¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Papá. Maman, on la verra bientôt. Elle est toujours au ciel. Oui. J'aimerais bien faire un voyage comme ça. Le soir. suis. Grimpe sur quoi? Sur la plus grande montagne du monde. Radio AQP con música fácil de escuchar.